Extrait du 23 novembre. Nous entamons aujourd'hui notre quatrième mois de marche. Au petit déjeuner au bord du lac, le soleil tape déjà fort. Aujourd'hui, la marche sera chaude. Heureusement, le trafic de véhicules s'est calmé, les Argentins étant rentrés au travail. Pour lutter contre la chaleur, nous reprenons notre bonne habitude du lac Aluminé. Trempette des pieds pour Pascal et plongeon complet pour Viviane, cette fois-ci dans le lac Espejo. Alors que nous nous apprêtons à repartir, une voiture s'arrête. Un couple en descend. Alaska Ushuaia signale une inscription sur la voiture, accompagnée d'un écusson bariolé de tous les drapeaux des pays traversés. Chacun d'eux porte une tenue sur laquelle est dessiné le même écusson. Après avoir observé un peu le lieu, ils décident de rester et planter la tente. Nous découvrons ainsi tous les jours de nouveaux voyageurs aux projets tous différents les uns des autres. Voyager s'apparente à un art à travers lequel chaque voyageur s'exprime à sa manière, par le choix de l'itinéraire, du moyen de transport, des intérêts, paysages, sites historiques, routes thématiques. Mais tous ont en commun l'envie d'assouvir une soif de découverte, une curiosité. Et chaque voyage s'apparente à une œuvre d'art.